Là, j'ai dit, fais le ménage et vide-moi ça, ces tiroirs-là. Ouais. Toi, il m'a dit une chose, les concernants. Ouais. Faut pas que tu les écoutes. Parce que les autres sont bien comiques avec toi. Les autres, là, ils vont tout te compter des vies. La façon que tu travailles avec toi, c'est de compter des vies. Qu'est-ce qui s'est passé avant? T'as pas besoin de savoir ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. T'as pas besoin de... Tout ce que tu veux, ça appelle. Fait que dans ce temps-là, tu leur dis de te sacrer la paix. Puis si t'es assez consciente pour leur dire de te sacrer la paix, ils vont te sacrer la paix. Ils vont commencer à faire encore. Et tu leur dis de te sacrer la paix encore. Non, mais c'est ça, ça. Les deux, ça commence. Là. Ouais, avant, vous arrivez, mais là. Parce qu'il y en a parmi eux qui sont plus sensibles, qui sont plus réceptifs que d'autres. Tout en est une. T'es sensible à leur vibration. Il faut que tu apprennes comment ne pas être affecté par leur vibration. Il n'y a qu'une façon avec toi de ne pas être affecté par les vibrations, c'est de ne pas les écouter. Parce que tu les écoutes, ben, ils vont jaser, puis ils vont jaser, puis ils vont jaser, puis ils vont jaser. Puis, toi, ça te fatigue. Et quand tu n'es pas motivé, s'ils veulent que tu les écoutes, ils peuvent t'empêcher de pouvoir les repousser. S'ils veulent rentrer, puis pénétrer, comment tu cries là, ils vont te parler pareil. Ils ont rien qu'à maintenir les centres ouverts. Fait que, tant que tu peux les pousser, pousse-les. C'est comme ça que vous devenez centrique, parce qu'il se produit quelque chose quand vous faites ça, quand vous les repoussez. C'est que quand vous les repoussez, vous détruisez le spirituel en vous. C'est ça. Ça, j'ai descendu de ça. C'est la clé. J'ai descendu des événements d'avant. Hein? J'ai tout de même pas vu les événements d'avant. Je les vois, je les vis d'avant, c'est pas 2-3 mois avant. C'est pour détruire le spirituel en vous. Moi, j'aimerais bien toi expliquer ça en public, ça fera avancer du monde bien plus vite, mais je peux pas, parce que les gens penseraient que je suis dans l'église. Les gens sont tellement capables. Mais les lois de la lumière sont les lois de la lumière, puis comme on a la chance, une fois pour toutes, de savoir ce qui se passe, ben on est obligé de prendre la responsabilité de ce qui se passe. Mais vous, savoir ce qui se passe, puis dire, bon, on veut des réponses, bon, on veut des réponses. Mais si on vous donne des réponses, prenez les réponses. Si vous ne les prenez pas, les réponses, mais ça, c'est votre patente, on ne va pas vous forcer à les prendre, les réponses. Quand je vous dis que quand il vous amène à vous fâcher, puis vous fâchez, puis vous fâchez, qu'est-ce que vous faites? L'ego, il se fâche. Il vient un point, l'ego se fâche. Il vient un point où l'ego, quand il a plein de fiasse, il se fâche tellement qu'il détruit des phares spirituels. C'est là que vous rentrez dans la conscience pure. Mm. Tu ne peux pas rentrer en conscience pure avec des formes spirituelles. Il choque, puis se neutralise. Déjà. Ça. Non, je flottais. Quand tu commences à défloter, là, quand tu commences à défloter, là, c'est là que tu commences à te voir, à te pouvoir te mesurer dans ton esprit. Tu sais. Sans ça, tu flottes. Tu peux pas flotter. Ça fait mal en cité qu'on a flotté. Ah, c'est évident, ça fait mal. Ça, c'est le contact qui se passe. C'est le résultat de notre rencontre. Ça, c'est normal. Ça, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Si vous n'êtes pas capable de prendre ça, vous ne prendrez pas le reste à l'heure. Quand on flotte, c'est une fuite. Quand vous flottez, si vous embarquez dans les pommes, c'est une fuite à la réalité. C'est ça. Pour sa communion. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça, j'aime bien ça. C'est du bon moment. Tu vas voir que c'est quelque chose, ma petite fille. Il reste pas de... Je sais pas. Moi, ma petite fille, il n'y a rien que j'ai pas vu. Pourquoi par rapport à tes enfants dans leur situation, maintenant qu'on est plus conscient de sensibilité à la connaissance, ou ce que tu sais voir? On continue à diriger nos jeunes dans les centres, disons, c'est-à-dire eux, ils suivent le rythme du spirituel. Comme dans les écoles, par exemple, les envois ou ces choses. Ça fait partie de l'expérience. L'expérience de la transmutation de vos corps, l'expérience de l'initiation solaire, c'est l'expérience qui est totalement personnelle, ça vous regarde vous personnellement. Un jour, peut-être, vos enfants seront amenés à cette prise de conscience-là. Ben, en attendant, ils sont obligés de vivre leur expérience dans le cadre où ils ont déjà commencé. Parce qu'on les voit aujourd'hui, ils disent, ben, ils vont à l'école, ils te renseignent, ils font la religion, ils investissent dans ces choses-là.

Donc, jusqu'à temps qu'il s'est poilé, il s'était poilé, mais moi, il a dit, c'est à peu près, c'est pas bien. C'est à peu près, c'est bon. C'est bon, c'est à peu près, puis des ci, puis des ça. Puis là, le sien, c'était un être de lumière. Tu sais, je suis demandé. Puis vous avez dit une chose de toi. Ça va être de toujours le confronter avec le vrai du faux. Ouais. C'est ça que je fais. Le vrai du faux. Puis je lui demandais, moi, si c'était vrai. Là, il dit que je confondais tout, puis etc. Puis en tout cas, il était perdu, il rendait son mal en hypo. Il répondait plus tard, mais tout d'un coup, il y avait un laps de silence. Puis quand je parlais plus, tout d'un coup, il y avait une autre réponse qui venait. Puis il m'a même dit, il a même dit à travers elle, là, que puis, c'est dangereux le jeu que tu joues. Puis c'est dangereux, oh ben mon écœur, bien sûr, je vais te parler encore. Ah, mais c'est ça, il est là, là. Quand il dit c'est dangereux, tu joues, là, qu'est-ce qui se produit? Mm. Ton ego, soit qui prend une position, ou non, il recule. Ah, ton ego, heureusement que c'est de même, ton ego, il prend une position. Fait que c'est t'arrives, t'avances, puis éventuellement, t'es rendu comme une tête de cochon comme moi. T'es plus influençable. C'est ça. Je suis passé, puis là, je viens. Bon, ah, ben, c'est ça. C'est bleu, là. C'est exactement. T'es bleu parce qu'encore. Ouais, ouais. T'es bleu parce que tu te fâches encore de la façon dont tu t'opères. Faut que t'en arrives à pas te fâcher de la façon dont tu t'opères, mais simplement te fâcher contre eux autres. Parce qu'ils ont toujours raison, eux autres. S'ils te donnent une réponse à toi, puis une réponse à elle, puis une réponse à elle, puis ça confie les trois réponses. Ils ont raison. Ils ont raison parce que ça va vous mettre de faux cul. Tout ce qui les intéresse, vous autres, c'est pas la réponse. Ce qu'ils vous donnent, c'est le faux. Ils veulent soulever en vous autres cette volonté de puissance là, qui est en vous autres. Puis c'est comme ça. Puis c'est ça l'initiation, puis c'est ça que vous allez vivre dans l'année. Ils ont plus raison quand on n'a plus de faux cul. Ils ont toujours raison. C'est quand vous n'avez plus au faux cul, à ce moment-là, on finit le travail. Ça marche plus. Ils vont d'autres choses. Ils ont toujours raison. Quand même qu'ils donneraient une réponse, puis elle une autre réponse, puis elle une autre réponse. Penses-tu qu'ils sont intéressés à la vérité, eux autres? Vous autres, vous êtes intéressés à la vérité. Ouais. Là, je vous dis toujours les confronter avec le vrai et le faux. Les autres sont pas intéressés. Ils disent même pas vrai quand ils confrontent au vrai. Ben, ils finissent par le dire. Vous pouvez les amener au mur. Ah, ouais. Oui, parce que ah. Ce qui est arrivé, ah. Moi, il était à haut, il a chié, hein, puis il dit qu'il y a des gars, à un moment donné, il ne parle plus. Il ne parlait plus pas en tout, là. Oh, il a l'autre aussi, hein. Il dit. Puis tu es trop beau de la petite. Hey, cute la petite. Ça me vient. Hey, cute la petite. Hop, ben. Là, je me meuble pour que ça arrive. Qu'est-ce qu'il y a? On a un gars. Même pas un jour que tu rencontres un gars ou une femme ou un homme qui te dit. Qui dit Diane, tu viens-tu dans notre mouvement? Tu pourras pas. Tu vas être tellement centré, tu pourras pas. Puis c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Non, c'est pas directement avec une chance. Comment tu rencontres un homme qui te dirait qu'il est la réincarnation de Joe Blow? Tu pourras pas. Comment tu te le dis? C'est ça notre protection. J'essaie de vous faire comprendre, puis vous faire comprendre, puis vous faire comprendre. C'est ça notre protection. Puis pour qu'on la vive, pour qu'on soit dans cette protection-là, il faut qu'on soit en dehors de la forme spirituelle. En dehors de l'évité, en dehors du bien, puis du mal, puis du vrai, puis du faux. Puis les autres, ils savent comment ça marche. C'est là qu'ils travaillent sur mon corps. C'est pour ça que je ne peux pas croire ta frère. Ah, t'es évident. Il n'y en a pas de vrai, il n'y en a pas de vrai. C'est ça. S'il y en a un vrai, s'il y en a un vrai, tu sais que c'est vrai. C'est ça. Je sais qu'il n'y en a pas de vrai. Si ça me fait dire qu'il est tout, mais s'il n'y en a pas de vrai. C'est ça. C'est un mot du mal. C'est ça. C'est pour ça que c'est vrai. C'est vrai quand tu dis qu'il n'y a plus rien après toi. Non, il n'y a plus rien après moi. Plus rien. On ne peut plus se faire pogner dans l'air. C'est pour ça qu'ils ont pu essayer de nous attirer dans des mouvements, dans ci, dans ça, dans ça. On n'est pas qu'à faire et tout. Non. On n'en sait pas. Non. Parce qu'une fois que les femmes sont détruites, qu'est-ce qu'il y a? Détruire les femmes, qu'est-ce qu'il reste? C'est un autre école, ou c'est un autre messie, ou c'est un autre ci, ou un autre capoté qui arrive. S'il n'y a plus de femmes, tu peux plus te pogner. Non.